Yeah, Brasco, Brasco. El Matador, la famille. Si, si, bla bla bla. Bla bla bla. On prend les mêmes poucaves et on recommence. Deuxième album dans les bacs et les rageux, j'en plat diarrhée. Ta carrière est au point mort et t'as du mal à démarrer. Parti de rien, a envoyé la concurrence à la retraite. Un an et demi plus tard, mon retour va pas soigner leur mal de tête. Obligé de prendre de la vitesse, je suis équipé, j'ai les couplets bien aiguisés, je vais maîtriser. Je suis l'étalon arabe sur qui personne ne voulait miser. Mes singles passent à la radio et sur les chaînes télévisées. Sur Dailymotion et YouTube, mes pages sont les plus visitées. Mais pourquoi t'as le seum? Tu veux me faire du seum pour que je pète un câble et que je parle seul? Non, non, quoi qu'il arrive, je sais que tu voudras pas te taire. Mais Alice, la chatte, de la chatte à ton arrière-grand-mère. Tous les jours, je rate, je tape, je cale, je redémarre, j'efface mes défauts. Les gens regardent tous les freestyles sur internet, ils disent putain, c'est des shows. Eh ouais, je dégaine, je bégaye, les jaloux, je les bébébébèse, faut mitraillette, bébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébéb raconte pas blablabla. Tu me connais même pas, j'pourrais te tomber dessus et te briser les os. T'as des plaies blablabla. Si t'as un problème avec moi, t'as qu'à me le dire en face, mais crache pas dans mon dos. Raconte pas blablabla. Tu me connais même pas, j'pourrais te tomber dessus et te briser les os. Ne me demande pas qui me paye ou j'ken. Frelo c'est personnel, j'suis discret là où j'traîne. Les Hollandais auraient détecteurs de mouchards. Les langues de pute rêvent en plein cauchemar. Le titre de mon album c'est Vagabond et non pas Clochard. Mais qu'est-ce t'as cru, bâtard, que je quitterai jamais la rue. Que je mange au resto du cœur sponsorisé par Emmaüs. Dans les quartiers tout ce c'est pire que oups c'est public. J'entends tout ce que tu dis, mais ce n'est pas ce que tu vis. Trop de menteurs, très peu de rappeurs, chez moi on croit ce que l'on voit. Même si tu veux vivre tes paroles, mais t'as pas la gueule de l'emploi. Arrête de faire le suceur, pour toi c'est fini l'incruste. En ton couple la langue, oublie les décos et les cunilingus. Trop de blablabla. YouTube atteint le summum. Les jaloux se prennent pour des surhommes, se tapent tes queues sur les forums. Trop de blablabla. Si les poucaves jouent les paparazzi, fracture et grosse facture à la pharmacie. Si t'as un problème avec moi, t'as qu'à me le dire en face, mais crache pas dans mon dos. Raconte pas blablabla. Tu me connais même pas, j'pourrais te tomber dessus et te briser les os. T'as des plaies blablabla. Si t'as un problème avec moi, t'as qu'à me le dire en face, mais crache pas dans mon dos. Raconte pas blablabla. Tu me connais même pas, j'pourrais te tomber dessus et te briser les os. T'as des plaies blablabla. Si les jaloux achetaient des 10, tous les MC seraient millionnaires. L'amitié nique son père, j'ai pas compris son sens dans le dictionnaire. Que tous les vrais ne se sentent pas visés. J'suis venu parler des putes, ne prends pas ton cas pour une généralité. C'est toujours par derrière que les victimes attaquent. Petit à taille, tu te sers de la ficelle de ton string pour faire du tir à l'arc. Des flèches ne m'atteignent pas, je suis immunisé. Ton top départ, quand t'es un chien, j'me tape les barres sur la ligne d'arrivée. Les langues des putes, j'me torche le cul avec. Personne n'a pu me la mettre. Toi t'as tellement un sourire jaune que ton haleine pue la mer. Certaines diront, j'suis pas crédible, c'est stratégique. On me casse tellement de sucre dans le dos que j'vais finir diabétique. Ne marronne pas si t'es bidon, tout le monde sait que t'es un mytho. Tu ne racontes que des pipos, car ton rap n'est pas au niveau. Si t'as un problème avec moi, dis-le moi en face. Ne te gêne pas, cesse de bavasser tout tes blabla, toutes tes rumeurs ne m'intéressent pas. Si t'as un problème avec moi, t'as qu'à me le dire en face, mais crache pas dans mon dos. Raconte pas blablabla. Tu me connais même pas, j'pourrais te tomber dessus et te briser les os. T'as des plaies blablabla. Si t'as un problème avec moi, t'as qu'à me le dire en face, mais crache pas dans mon dos. Raconte pas blablabla. Tu me connais même pas, j'pourrais te tomber dessus et te briser les os. T'as des plaies blablabla. Raconte pas de blablabla, frangin. Dis-le-moi en face, avant qu'on te brise la carcasse. Mais pourquoi tu as le seum? Si, si. Blablabla, raconte pas de blablabla. Arrête, ma famille, voilà. Tu te fous la chouma pour rien, frère.